lu l'histoire de Jesse James, comment elle a vécu. Et y a pas de honte à ça. Le scooter c'est la vedette. Oui mais nous on aime pas ça. Pour promener les demoiselles, rien ne vaut la Gabrielle. Pour aller bosser, pour aller gâcher et faire la tournée, les petits bistrots c'est bien plus michelon, bien plus rigolo. On préfère la mobilette. Et pour trimballer les copines au ciné, à la piscine, pour jouer à Superman, t'as ta belle moto bécane. Quand tu n'as plus un copec, bah t'as toujours ta motobec. Et le charme divin de ce bel engin qui fume et qui pète. Jolie promenade dans les pétarades et le bruit des mobilettes. Quand ton gicleur est bouché, que t'as beau pédaler, que ça veut pas démarrer, un coup de latte dans le garde-boue, tu te mets à genoux et tu démontes tout. Et tu te dis en jurant, putain c'est pas marrant et c'était pas le moment. Mais tu plonges tout réjoui, t'es demain dans le cambouis. Quand t'auras ton permis, offre-la donc au petit frère, qui devant tous ses amis, et grâce à toi fera le fier, car tu lui feras le plus beau, oui le plus joli des cadeaux. Et il ira bosser, il ira gâcher, et faire la tournée des petits bistrots sur le plus michetot, le plus rigolo de tous les engins, la mobilette.

balance un riff de guitare et puis il se barre. Thank you. Thank you.